jeudi sur Fun Radio dans le Star System. Les débats de Gérard. Enlève le casque, là, sinon t'entends rien. On va accueillir vite fait Goldorak avant d'attamer de comment débat de Gérard. Goldorak, bonsoir. Salut Francky. Salut Francky. Salut Tétard. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Salut. Ouais, c'est bon. Hein, tu dégages. Ouais, tu dégages, allez hop. Alors, les statistiques comme jeudi dernier. Comme, alors, les petites statistiques donc sur les couples et la presse porno. Mm-hmm. Et ben en fait, bah ça bouge et bah ça bouge dans le mauvais sens, quoi. Parce que en fait, on a des progressions bah, partout. Les insultes ont été multipliées par deux. Ouais, on a quand même 266 insultes, c'est-à-dire une toutes les 33 secondes. Bravo GG. Mm-hmm. Alors on a 55 mères. Tu as des problèmes genre, avec toutes les insultes. Qu'est-ce que les nanas n'appellent plus du tout hein, ah, c'est clair. De manière, il y a plus une seule manière. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont là-haut. Mais parce que t'as il y a plus une seule nana qui m'aime. Alors maintenant les nanas, si vous voulez m'aimer, vous faites une chose. Vous pouvez le faire. Vous appelez. Hey, GG. Ouais. Avec 28 fois ta gueule, 36 putains, 55 merdes, etc. Goldorak. Comment tu veux qu'elle t'appelle? Mais Goldorak, quoi? De manière avec les nanas, je suis pas comme ça à l'antenne, d'accord? Bon, c'est bon. Je suis encore plus poli avec les nanas dans, dans le débat sur les couples, t'as été hyper agressif avec des nanas. C'est clair. Non. J'ai insulté aucune nana non, sur les couples. C'est lui. C'est Manu le malin, là, qui a fait le Manu clown. Le gamin. Manu le gamin, de manière, il est même pas capable de gérer un sondage. De manière. Comment ça? Tu vas pas m'énerver ce soir. Ou sinon, de manière, il y a Karim qui va être à tes côtés. Putain. Voilà. Donc, Bon, voilà. Gégé, je continue. Ouais, alors, continue. Les expressions, tu sais, toutes tes petites expressions, genre bombarde, manière, etc., plus 40%, bravo. Ouais. On arrive à 552, soit toutes les 16 secondes et demie, tu te rends compte un peu? Ouais. Ouais, tu t'en fous, on a quand même 101 fois, non mais attends. 61 fois de manière. Ouais. 51 fois, c'est quoi ce bordel? Ouais. 37 fois, je vais te dire une chose. Ouais. C'est toujours la même chose, quoi. Ouais. Je vais te dire, ouais. Ouais. Alors, la caméra, ça t'intéresse? Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Alors, la caméra, en fait, t'as de la chance, c'est le seul truc qui s'est calmé. On est passé de 188 à 178 interventions. Ouais, tu te manies un peu parce que je voudrais commencer mes débats. Bon, c'est tard, tu me coupes pas la parole, s'il te plaît. Non, mais attends, tu permets? Eh? Eh, oh, tu permets, mais moi. Je suis pas allé avec toi, d'accord? Je voudrais commencer les débats vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait? Non, parce que j'ai du champagne à boire et j'espère que je vais avoir un verre de champagne avant la fin de la soirée, sinon je suis le caméraman. Caméraman, t'as intérêt à planquer tes fesses avant que je te tue. Donc, de toute manière, j'espère que tu vas pouvoir venir participer sur la cinquième question, parce que... Bon, c'est bon, on va pas commencer avec ça, d'accord? Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, ok. Donc alors, c'est tout ce que t'avais à dire? Ouais, non, sinon aussi, je fais une petite comparaison. Donc on a 178 fois la caméra, donc Cyril. Manu le malin, comme tu dis, 79 fois, tu dois quand même gueuler dessus, 79 fois au standard. Et 48 fois sur Olivier à la RAGA, quoi. Donc il faudrait peut-être que t'arrêtes de gueuler avec les gens qui travaillent avec toi, et peut-être que ça se passerait un petit peu mieux quand même. Non mais dans ce cas-là, si t'es pas content mon pote, eh ben tu viens faire les débats à ma place, d'accord? Ah bah y a pas de problème. Hein, et tu verras si c'est amusant, ok? Clair et net. Alors en devant entendeur, salut. Salut. Ok. Ok. Allez, bonne nuit à toi. Allez, hop. Salut Tétard. Ouais, salut Tétard. Abruti, va. Eh GG, c'est au fait pour ton débat sur la zoophilie, c'est ça, les animaux domestiques? Non, mais attends, toi tu m'en fais un bel animal. C'est vrai que t'es un spécialiste de la reproduction des phacochères sauvages, on m'a dit ça, c'est vrai? Eh, hey, on t'a jamais dit que t'étais le premier des singes en voie de disparition? Non, mais moi je pose la question, GG. Non, mais est-ce qu'on t'a jamais dit que tu faisais partie du premier. D'un zoo de Vincennes, en voie de disparition des singes. Oh, bravo. Tu te manques des bananes. Bravo. Alors, en de bon entendeur, salut. Au revoir à toi. Allez, hop. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Va voir au standard si j'y suis.